That's the sound of the police. On a entendu un gros boom. Enfin, tout a pété. La police, c'est de la merde. L'armée, c'est de la merde. La justice, messieurs les jurés, c'est de la merde. La religion, c'est de la merde. La patrie, c'est de la merde. Le capital, c'est de la merde. Et à moi, c'est toujours de la merde. Et tiens. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans l'émission du magazine Libertaire. Ici, on cause d'actualité des luttes, de la France et du monde qui pue, et on essaye de donner la parole à celles et à ceux qu'on n'entend pas ou peu dans les médias d'habitude. Le Mag Lib est diffusé tous les mercredis de 12h05 à 13h30 sur JetFM 91.2 et sur jetfm.fr. Comme nous sommes en direct, vous pouvez aussi nous contacter par téléphone pendant l'émission au 02 28 25 23 88 ou nous envoyer des mails sur notre adresse à maglib@riseup.net. Vous pouvez aussi retrouver nos podcasts sur notre site maglib.noblogs.org. Alors aujourd'hui, on va vous causer un peu de l'eau, un peu de la mobilisation contre la mascarade électorale qui a eu lieu en Algérie ces derniers jours. Et on va commencer par des expulsions qui ont eu lieu à Saint-Ouen. Oui, alors effectivement, je voulais parler des résidents d'un foyer qui est géré par l'association ADEF à Saint-Ouen, qui sont menacés d'expulsion. Je voulais surtout alerter sur justement ces foyers autour de Paris, à Paris et autour de Paris qui... pour beaucoup, les résidents sont menacés d'expulsion. Donc là, il s'agit du foyer de Saint-Ouen. Donc les résidents du foyer de Saint-Ouen, ils seront relogés indignement pour le village olympique. En fait, bon, je vais vous expliquer la situation. Déjà, le foyer ADEF de Saint-Ouen a été construit dans les années 80. Il est habité par près de 300 travailleurs et travailleuses migrantes, notamment originaires d'anciennes colonies françaises en Afrique. Il est suroccupé, insalubre, et ses habitants déplorent le manque d'investissement et de réactivité du gestionnaire ADEF. Bien que la rénovation du foyer a été annoncée en 2013, et cela plusieurs années après que les résidents se soient mobilisés pour vivre dans des conditions décentes, elle a par la suite été suspendue par la municipalité de Saint-Ouen, qui, fraîchement élue en 2014, refusa de délivrer le permis de construire. Alors à cela s'ajoutent les Jeux Olympiques, en fait, qui, avec le projet de construction du village olympique sur ce site, viennent soutenir la volonté du maire d'éloigner le foyer du secteur dans une perspective de spéculation immobilière. Donc les résidents se mobilisent, en fait, pour avoir des conditions de relogement dignes et un droit au retour, à leur retour, donc, sur le site après les Jeux Olympiques. Donc ça fait plusieurs mois qu'ils sont mobilisés. Il y a eu plusieurs manifestations, dont la dernière était le 9 novembre, autour du foyer, avec un départ à côté du foyer, donc, de Saint-Ouen. Et ils ont rencontré le préfet récemment, donc le 2 décembre. Et suite à ça, ils ont sorti un communiqué parce qu'ils ne sont pas du tout contents de la rencontre, donc, et des propos que a pu leur faire le préfet. Donc je peux lire le communiqué qui a été publié. Je l'ai trouvé sur paris-lutte.info. Donc, communiqué des résidents du foyer ADEF de Saint-Ouen menacée d'expulsion. Pour rappel, on avait déjà parlé de l'ADEF, c'est une association, alors je ne sais pas trop ce que ça veut dire exactement, mais on l'avait présentée comme l'association de défense de l'État et de ses frontières, parce qu'elle est déjà impliquée dans d'autres foyers où elle facilite les expulsions, les arrestations, qui donne suite à des expulsions en fait de personnes migrantes ou des personnes qui sont déboutées du droit d'asile. Donc voici le communiqué donc suite à la rencontre du préfet donc qui a eu lieu le lundi 2 décembre 2019. Nous les résidents du foyer ADEF de Saint-Ouen, donc Saint-Ouen c'est dans le 93, situé au 82 rue de Saint-Denis. À Saint-Ouen, allons voir notre foyer détruit fin 2020 pour laisser place au village olympique pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Après plusieurs mois de désaccord avec notre bailleur l'ADEF et ses partenaires, la Solideo, donc la Solideo c'est la société de livraison des ouvrages olympiques, la mairie de Saint-Ouen, pleine commune aussi, pleine commune c'est une structure qui rassemble plusieurs communes autour de Paris, etc. Sur la proposition de relogement provisoire indigne et inhumaine qui nous a été faite, nos délégués ont été convoqués pour une rencontre avec monsieur le préfet lui-même à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le 2 décembre, donc à 18h. Rappelons que la proposition que nous rejetons consiste à vivre pendant au moins 2 ans dans des espèces d'AGECO améliorées, donc des logements modulaires, à 2 par studio pour la plupart d'entre nous, dans un terrain trop petit situé boulevard Finot, jouxtant le chantier olympique. Donc ça, c'est la proposition de relogement qui leur a été faite. Voilà, donc c'est de vivre dans des AGECO pendant 2 ans, entassés sur un petit terrain. Les résidents espéraient beaucoup de cette rencontre avec le préfet. Ils espéraient au moins entendre d'autres propositions de relogement provisoire, une écoute attentive de leurs préoccupations et un déblocage rapide des dossiers. En fait, ils ont été surpris par un comité d'accueil soigneusement mis en place. Les dirigeants de la Solideo, un large éventail du personnel de l'ADEF, y compris son directeur général, étaient présents, ainsi que la sous-préfète de Saint-Denis et d'autres personnes. Une autre surprise de taille était le traitement particulier réservé aux porte-parole et président du comité de résidents, Monsieur Diallo Boubacar. Le préfet le pointait du doigt avec un ton menaçant. « Vous, Monsieur Diallo Boubacar, venez vous asseoir en face de moi, qu'on se parle les yeux dans les yeux. » Le préfet reproche à Diallo ses sorties médiatiques contre l'ADEF et la Solideo et leurs dirigeants respectifs qui restaient pendant la réunion visiblement très agacés mais silencieux. Les accusations ont continué à pleuvoir de sa bouche. Cette lutte n'est autre que politique et s'inscrit dans des actions contre les Jeux Olympiques. Donc ça, ce sont ces phrases. Le préfet se lance dans un véritable éloge de la Solideo, qui selon lui gère bien cette immense mission reconnue d'intérêt national. Selon lui, les Jeux Olympiques sont une chance pour un département caractérisé par des violences interurbaines. Le directeur de l'ADEF a lui aussi eu droit à des compliments. Libéré de toute responsabilité dans ce dossier, le préfet précise « Vous avez maintenant affaire à moi et non à M. Vaillant. » Alors, il me semble que j'ai pas trouvé... Il me semble que M. Vaillant, ça doit être le directeur de l'ADEF. Donc le préfet veut tout gérer maintenant avec les résidents. Le préfet a défendu point par point la proposition qui a été imposée aux résidents dans son intégralité, à savoir le boulevard Finot et ses conditions de vie inhumaines, les modulaires, le refus de retour sur le site après les JO. Le préfet a même enfoncé le clou en nous informant que les permis de construire pour les 2 futures résidences sociales définitives que nous devons occuper après 2023 ont été déposés, sans la moindre concertation sur le plan ou l'aménagement de ces structures avec les résidents et leurs comités. En guise de consolation, le préfet a promis que les résidents qui souhaitent accéder au logement social pourraient être prioritaires en faisant le choix de 3 communes, à condition qu'ils soient éligibles. Il a promis aussi la création d'un comité de pilotage avec intégration des représentants des résidents. Nous, les résidents, affirmons que nous ne sommes engagés dans aucune action politique et pour nous, la tenue ou non des JO n'est pas une préoccupation. Nous rejetons ces accusations mensongères et calomnieuses dont le seul but est de nous discréditer, de nous décourager et de nous faire taire. Mais nous, les résidents du foyer ADEF de Saint-Ouen, ne baisserons pas les bras. Nous refusons le projet, qui consiste à entasser presque 300 résidents dans des logements collectifs, entourés de chantiers de construction du village olympique, dans un espace trop exigu, à deux par chambre, sans espace de vie ou espace collectif, sans aucun espace pour ranger nos voitures. Nous demandons notre relogement dans des sites permettant des studios autonomes pour chaque résident, y compris pendant le relogement provisoire. Nous demandons des sites ayant la place nécessaire pour les espaces de parking et des salles collectives en nombre et de taille équivalent à ce dont nous bénéficions dans notre ancien foyer. Nous voulons être consultés sur l'emplacement et la conception des nouvelles résidences qui doivent être réalisées pour nous accueillir après les travaux. Donc voilà, c'est une lettre qui a été écrite donc le 9 décembre donc à Saint-Ouen par le comité des résidents. Comme je vous le disais, il y a plusieurs foyers à Paris ou autour de la région parisienne qui subissent des expulsions ou des menaces d'expulsion, notamment quand il s'agit de rénovation urbaine, mais aussi des personnes qui sont menacées parce qu'elles hébergent quelqu'un chez elles. Donc tout est contrôlé, elles n'ont pas le droit d'héberger un tiers, quelqu'un de la famille ou un ami qui serait dans la difficulté. Et je vous invite à aller sur le site actualitedesluttes.info où donc il y a plusieurs émissions concernant donc les foyers à Paris et dans la région parisienne, et il y a aussi un collectif pour l'avenir des foyers. Je vous donne le lien, donc c'est copaf.ouvaton.org où vous pouvez avoir des informations, des mobilisations, des résidents, des foyers de Paris et de la région parisienne. Je te côtoie depuis l'enfance, depuis le jour où je débarque en France. À l'époque j'avais confiance, t'étais celle que les bancs de l'école encensent. Les manuels semblaient tous unanimes, ta maxime avait toute mon estime. En trois mots j'étais conquis, j'avais compris, tu portais le cri que le peuple exprime. Légitime, bienveillante, généreuse, solidaire, accueillante. Que de vertus, que de compliments, ton bilan paraissait concluant. T'avais tué l'Empire et les Sangbleus, fait des lois pour étrangler les temples. T'as fait trembler les grands, crever l'écran, t'étais celle qu'on érige en exemple. Répugnant république. Gueule de vache, gueule de flic, dis-moi pourquoi rester courtois. Tu n'as qu'un grand oui bourgeois, dis-moi comment voter pour toi. Répugnant république. Répugnant république. Avec toi le pape on n'a fait que changer de main. Je sais que je dois te dépasser si je veux chanter demain. Puis j'apprends les heures sombres de ton histoire, l'envers du décor de tes victoires. La mémoire chargée de sang t'a défendu l'étendue de ton territoire. J'apprends que derrière ta bonhomie se cache l'économie de tes colonies. Assaï va, saïra, follow me quand le trône autochtone enrichit tes lobbies. J'apprends les barbouzes, la France-Afrique, la ronde des valises diplomatiques. J'apprends la Dochine, j'apprends Papon, j'apprends Sétif et ton goût des canons. Souda la candeur se dissipe, je me méfie de tes disciples. Tant de déni de crimes indicibles, Souda j'accuse et renie ton hémicycle. Répugnant république. Gueule de vache, gueule de flic, dis-moi pourquoi rester courtois. Tu n'as qu'un camp oui bourgeois, dis-moi comment voter pour toi. Répugnant république. Répugnant république. Avec toi le pape on n'a fait que changer de main. Je sais que je dois te dépasser si je veux chanter demain. Pour Bigot, un totem qui n'agite que les pourris, les brasseurs de vent et les bourricots. Langue chloroforme, langue de bois, tes phrases sont creuses, elles manquent de poids. Règne du faux débat, peste, choléra, tes porte-voix me mettent hors de moi. La sécurité dans toutes tes bouches, la peur de l'autre chez le français de souche. Que de la haine sous toutes ses couches, s'entasse, s'écrase les pauvres comme des mouches. Rétrograde, phallocrate, élitiste, raciste et mensongère. Ok, soyons clairs, si je t'insulte, c'est volontaire. Répugnant république. Gueule de vache, gueule de vache. chanter demain. Vous écoutez toujours le magazine Libertaire sur Jet FM 91.2 dans l'agglomération nantaise et jetfm.fr sur internet. Et nous, mercredi dernier, on est allé à la rencontre d'Algériens et d'Algériennes nantaises qui se mobilisent contre la mascarade électorale en Algérie. Ils et elles se sont rassemblés chaque jour d'ouverture des bureaux de vote devant le consulat d'Algérie à Nantes pour dénoncer ces élections, appeler les gens à ne pas voter et compter le nombre de votants et votantes. Voici l'appel que ce collectif avait lancé. Liberté et démocratie pour l'Algérie. Les citoyennes et citoyens algériens battent le pavé depuis plus de 9 mois et luttent pacifiquement avec détermination et beaucoup d'espoir contre le système en place en Algérie. Tout a commencé lorsque le président Abdelaziz Bouteflika a représenté sa candidature pour un 5e mandat, ce qui a provoqué un soulèvement populaire sur l'ensemble du territoire national. Après plusieurs semaines de mobilisation, le 11 mars, la lutte paye et le président Abdelaziz Bouteflika démissionne. Cependant, le peuple algérien exige le départ de tout le système en place et la lutte continue. Depuis, il se bat sans relâche contre ce système incompétent, corrompu et dépassé. Ce même système veut orienter le peuple vers une mascarade électorale forcée pour le 12 décembre 2019. Le peuple algérien ne peut accepter des élections organisées par la même administration où la fraude est institutionnalisée et ne peut plus voter et ne peut voter lorsqu'il y a des centaines d'arrestations et de condamnations arbitraires, la censure des médias et des violences policières. C'est pour cela que la lutte continue et que nous maintenons notre mobilisation pour construire une Algérie meilleure et prospère pour ses enfants. Le collectif des Algériens de Nantes se réunit tous les dimanches à 14h, place Royale, pour soutenir notre révolution. Et donc il y a une page Facebook qui est la page collective des Algériens de Nantes. Et de cette rencontre de mercredi dernier, on vous a ramené un son qu'on vous laisse maintenant écouter. Nous sommes donc devant le consulat d'Algérie, ici à Nantes. Et nous avons des Algériens qui manifestent depuis quelques jours devant le siège du consulat parce qu'il y a en ce moment des élections que tout le peuple algérien en Algérie refuse de faire. Donc on réfute ces élections parce qu'elles ne sont pas démocratiques. Parce qu'ils nous forcent à aller voter, ils emprisonnent des jeunes, ils emprisonnent tout le monde en Algérie, juste parce qu'il ne faut pas qu'ils s'expriment, il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a pas de démocratie. Et donc le peuple s'est réveillé hein, depuis février, il y a des marches grandioses en Algérie, des millions dans la rue. Et nous ici, c'est un petit écho, on veut soutenir cette cause noble. Parce que depuis 1962, à la libération, à l'indépendance, c'est le même régime, le même système qui prive ses enfants des richesses du pays et qui profite que lui et ses larbins. Et le peuple se révolte. On s'est toujours révolté. Depuis toujours, hein, 63, les années 80, en 88, octobre 88, 2001, en Kabylie, et en Oranie, dans le Constantinois, et encore les années 90. Et tout ça, parce que c'est des généraux qui nous gouvernent, c'est un système militaire. Alors que nous sommes une république, nous avons libéré l'Algérie, nos ancêtres ont libéré, nos parents ont libéré l'Algérie pour une république démocratique. Et là, c'est l'État est policier, il est militaire. Nous, on veut un État civil, un État de droit, un État de démocratie. Bye bye, Gaït Salah. Bye bye, Gaït Salah. Gaït Salah, c'est le militaire qui tient l'Algérie. Et on lui dit cette année, il n'y aura pas de vote. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Nous, on veut bien sûr, on vend des élections libres. Donc, c'est nous qu'on choisit le président, le futur président. Mais là, il nous impose cinq candidats qui étaient déjà avec le gouvernement. Ils étaient complices avec le gouvernement. Ils étaient des ministres. Donc, nous, on ne peut pas. Donc nous, on veut des élections libres. C'est le peuple qui choisit. Déjà, avant de faire des élections, on doit passer par une transition. Et là, nous, on l'est pas, on l'a pas faite, cette transition. Donc voilà, déjà, qu'il dégage tout ce qui est dans le gouvernement d'El Mouradia, dans la présidence, il dégage, voilà, pour refaire une nouvelle démocratie ou une démocratie algérienne et libre avec le peuple algérien et non pas avec les étrangers ou avec l'Europe ou avec les Européens ou autres. Voilà. Parce qu'on a l'impression que c'est notre pays, c'est l'Algérie. Mais c'est tous les autres qui nous commandent, voilà. Toute personne voilà, qui vient de Paul ou de chez Jacques, voilà, ils imposent leurs lois chez les Algériens. Et comme on dit nous dans notre slogan, la Sahara Qsmoha ou Dzaïr Ba'ouha, ils ont partagé le Sahara et ils ont vendu l'Algérie. Donc non, on dit non, voilà. Et yes we can, on peut le faire, on peut faire dégager tout le monde. Voilà. Et vive la jeunesse algérienne. Et surtout la libération à nos détenus. Voilà. Et le plus vieux détenu actuellement, il a, je crois, plus de 28 ans, qui est emprisonné. 86 ans. Pour avoir contredit, je crois, Bouteflika au tout début, voilà, il est emprisonné. Celui-là, c'est un oublié. J'ai oublié son nom. Voilà. Mais celui-là, c'est un oublié. Voilà. Et actuellement, il y a des étudiants, il y a un Moudjahed Bourga, il y a des journalistes, il y a Monsieur Tout-le-Monde, il y a des militaires, il y a des policiers. Ils sont emprisonnés. Avec qui? Avec les Saba. Voilà. Eux, ces gens-là, ils ont juste dit non pour le vote, non à cinquième mandat. Ils sont emprisonnés pour tant d'années. Alors que les. Voilà. Et l'autre, les autres, enfin comme Sellel ou Yahya et tout ça, le premier ministre, l'ancien premier ministre, l'ancien ministre de l'Intérieur et tout ça, ils sont condamnés pour vraiment des années dérisoires. Il y a des clopinettes d'argent, des milliers de dinars, voilà, d'amende. C'est honteux. ما ناش حابسين يا حنايا انتوما يا حنايا انتوما ما ناش حابسين يا حنايا انتوما يا حنايا انتوما ما ناش حابسين C'est soit nous soit vous, on s'arrêtera pas. Pouvoir civil et pas pouvoir militaire. Tous les jours, ils arrêtent. Tous les jours, ils arrêtent. Il y a par exemple 5 personnes qui sont libérées et ils mettent 10 dizaines à travers tous les départements, les 48 départements des wilayas en Algérie. Donc plus de 300, et il y en a qui sont en prison depuis le mois de mars. Vous vous rendez compte, vous brandissez le drapeau berbère. Ça ne plaît pas au chef des armées. Nous sommes quoi alors, nous? Nous ne sommes pas des Arabes, nous sommes des Algériens berbères. Ce drapeau, il est chez lui. Voilà. Donc, il faut que ça s'arrête. Je crois que ce général qui a plus de 80 ans, 84 ans, je crois qu'il a complètement perdu la boussole. Voilà. Le chef d'état-major algérien. Voilà. Il n'a pas le droit de gérer ni politique, ni... Voilà. Mais il prend des décisions, donc voilà. Ils sont en train de modifier la constitution, faire tout ce qu'ils veulent. Nachir Askaria, Nachir Askaria. Les 40 millions d'Algériens, ils sont dans la rue, ils sont dehors, ils disent non, non au cinquième mandat, non au président qui nous a été, enfin ils nous ont imposé 5 personnes, on est contre tout ça, voilà, on n'en veut pas. Et soit c'est eux, soit c'est nous, cette fois-ci on ne cède pas, on ne cédera pas, coûte que coûte, même s'ils veulent sortir les chars, même s'ils veulent nous tirer dessus, voilà. On ne cédera pas et on ne lâchera pas. Voilà. Le peuple n'a plus peur de ce pouvoir corrompu. On est déterminés. Oui, oui. On est vraiment déterminés. Et sans oublier. Moi, je viens directement du boulot. Tous les jours, on est là, depuis qu'ils ont commencé les élections. Et n'oublions pas les jeunes qui sont en train de mourir, ceux qui traversent la Méditerranée pour aller en Europe, dans des. Franchement, des. Voilà, dans des. Comment on appelle ça déjà ? C'est même pas. C'est même pas des. C'est même pas des. Des beautés. Des beautés, voilà. C'est juste un truc. Barque construite avec du bois pour faire la traversée. Il y a des milliers qui sont morts. C'est pas voilà. Normal. Ils sont morts à cause de Hagra en Algérie. Oui. Voilà. Vous croyez que si on était bien dans notre pays, on serait en France ? On serait resté chez nous ? On est riche là-bas. On serait resté chez nous. On a tout ce qu'il faut là-bas. On a le soleil, on a les. On a tout. Voilà. Mais on est ici, malgré les discriminations, malgré. On subit beaucoup de discriminations. Hein. Moi, personnellement, quand on travaille, partout. Mais voilà, on est obligé de passer à côté parce qu'on n'a pas un pays. Le peuple algérien a été patient. À chaque fois qu'il y a eu un président, c'était donc les militaires qui nous l'imposaient. Ça a toujours été des élections truquées, la fraude à une échelle incroyable. Ils divisent le pays. Ils sont toujours contre la Kabylie. Ils nous disent vous êtes avec l'étranger. Il y a la main étrangère derrière vous. Il y a le loup à chaque fois. Non, ils n'arriveront plus à faire ce discours-là. Avant, les gens n'avaient pas d'internet. Il n'y avait pas ce moyen de savoir ce qui se passe. Mais maintenant, la jeunesse a son Facebook. Donc, on est informé. Il y a aussi un point. On a une chaîne de télévision qui est basée à Londres, Al Mararibia, qui nous informe de ce qui se passe chez nous. Elle ne falsifie rien du tout. Elle donne les différents avis qu'il y a chez les Algériens. Elle nous montre en direct, alors qu'elle n'a pas de journaliste en Algérie. C'est des jeunes qui lui envoient via le Facebook, via les réseaux sociaux, des vidéos pour toutes les marches qu'il y a. Parce que toutes les télés algériennes, privées ou publiques, ne montrent pas la vérité. Ils ne nous montrent rien du tout. Et même qu'ils falsifient, ils montrent le Hirak, donc le mouvement dans la rue, et ils disent ceux-là, ce sont ceux qui sont pro. La photo qui a été donc partagée pour les élections, si on vous laisse rentrer au consulat, on est algérien, on est interdit de rentrer au consulat, donc il vous faut bien sûr un visa pour rentrer. Si on vous laisse rentrer, vous allez voir. Si vous allez voir la photo, c'est la photo des manifestations des hirakistes algériens contre l'État. Elle a été utilisée pour les élections. Vous vous rendez compte ? Donc on est vraiment écœuré de voir ça. Et nous, on est depuis le 22 février, on est une dizaine, même des fois une vingtaine, à se rassembler Place Royale depuis le 22. C'est des personnes qu'on ne connaissait pas avant. Ils sont venus voilà, dernièrement par rapport aux élections. Mais nous, on est une dizaine ou une quinzaine de personnes tous les dimanches, Place Royale, de 14h à 18h. Sous la pluie, sous la chaleur, pendant le ramadan, on a passé tous les dimanches à se rassembler pour dire non au pouvoir. On a fait aussi une action le 22 novembre. Il y avait un rassemblement avec le consul, l'ancien consul, l'organisation de la fête, et pour fêter aussi, commémorer le 1er novembre. Oui. Du coup, on a fait une action, on avait caché une banderole, etc. On était là pour la fête. On s'est dit, s'il va parler des élections, on va se mettre debout et hurler. S'il ne va pas parler d'élections, parce que ce n'était pas l'endroit pour parler des élections, c'était pour commémorer le 1er novembre. Du coup, 10 minutes après, il s'est présenté le nouveau consul, hop, il a commencé à parler des élections. On s'est levé, on a fait opposition, on a arrêté le discours. La vidéo, elle a fait le tour de... Si vous voulez, je vous l'envoie, si vous avez un compte. Oui. Elle a fait le tour de tous les réseaux sociaux, elle a été vue des millions de fois même. Donc c'était un coup de poing. Et c'est à partir de là qu'ils ont commencé, dans toute l'Europe, à faire des actions dans les consulats. On était les premiers à faire cette action. Voilà, et on est fiers de nous. Bien sûr. On est trop fiers. Le fait qu'on les a perturbés, parce que c'était pas le moment pour faire la fête, franchement. Là, c'est pas le moment pour faire la fête. Là, on est dans une transaction, donc c'est dans une situation un peu délicate. On attend juste les résultats et on n'a pas vu beaucoup de gens voter. Donc, on va voir demain. Ils vont annoncer peut-être un grand nombre de votants. Par rapport aux médias, il y a Berber Télévision qui retransmet elle est basée donc à Paris, qui retransmet les événements, toutes les marches et manifestations. Et il y a El Maralibia, donc qui était logé avec Eutelsat. Eutelsat a exécuté l'ordre qui a été donné par le général de l'armée, Gaid Salah, pour fermer la chaîne El Maralibia, qui est basée, comme je vous l'ai dit, à Londres. Donc, toutes les chaînes qui sont en Algérie, ils leur ferment. Donc, il n'y a pas de liberté d'expression. Les journalistes, s'ils couvrent les événements, s'ils couvrent la marche, il perd son travail. Et donc, on compte sur l'étranger, donc sur cette chaîne basée à l'étranger. Eh bien, Eutelsat a fermé, et bon, c'est en justice en ce moment, mais c'était et toutes les chaînes françaises, c'est très rare où elles passent ce qu'il y a. Où est la solidarité des peuples? Où est la solidarité des peuples? Merci. Actuellement. Pour une simple raison, c'est qu'on a un dictateur qui est en place, qui organise des élections, qui ramène cinq candidats de l'ancien régime, qui étaient pour Bouteflika avant de le dévincer. Et donc, on ne peut pas parler de démocratie quand on emprisonne des gens pour une simple opinion. Voilà, c'est pour ça que nous sommes ici pour refuser ces élections. Elles ne sont pas... Ce n'est pas des élections démocratiques. Nous voulons organiser nos propres élections c'est-à-dire des gens du peuple qui organisent les élections. On n'est pas contre les élections, mais on veut des élections vraiment démocratiques, en installant d'abord la démocratie, avant de passer à une élection. Voilà. C'est pour ça qu'on est là et qu'on refuse cette mascarade. C'est une vraie mascarade pour mettre en place leur poulain. Voilà. Et on continue avec l'ancien système. Donc, non, non, non, on refuse tout ça. Voilà. Demain, ils vont faire le dépouillement. Et j'espère que nous, en tant que citoyens algériens, on va pouvoir rentrer à l'intérieur. Et ils ne peuvent pas nous mentir et dire qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont voté. Parce qu'on était là tous les jours et on les a comptés. Donc, il n'y a pas eu, un nombre flagrant de manifestants, de votants, parce qu'on a vu des gens qui sont revenus, etc. Donc, ils ne peuvent pas mentir et dire qu'il y a eu beaucoup de votes. Et donc, si nous, on rentre et qu'on voit que les boîtes sont remplies de votants, c'est que c'est faux. C'est encore un bourrage de des urnes. Et ça, c'est pas possible. On a le droit. Voilà. C'est un droit. Ils vont nous interdire. Oui. Voilà. Ils vont nous interdire de rentrer. Voilà. Et demain, normalement, à 19h, comme ça, on va assister pour leur montrer la mascarade. Voilà. Franchement, on est là, on comptabilise tous les jours le nombre de rentrants au consulat. Mais sincèrement, depuis le samedi, le 7 décembre, on vous le dit, il n'y a même pas une centaine. Et c'est uniquement les anciens, comme je les appelle, les vieux, ceux qui ne sont pas connectés. Alors venez nombreux. Même il n'y a pas d'autorisation, on n'en a rien à foutre. On rentre et on regarde pour montrer au monde la mascarade que Gaït Salah il est en train de faire pour les Algériens. Et vive l'Algérie, hurra démocratia. Vous avez pu discuter avec des gens qui allaient voter. On a parlé avec certains, on a réussi à les convaincre pour ne pas voter, et d'autres sont rentrés pour voter, mais ils n'étaient pas nombreux. Et en plus, la plupart étaient de la vieille garde, des anciens, etc. Et certains ne savaient même pas pourquoi ils allaient voter. Et pour qui ? Voilà, ils ont peur de perdre leurs privilèges, ils ont peur, on leur raconte des histoires, vous n'aurez pas votre retraite, vous ne pourrez pas avoir votre passeport. Vous ne pourrez pas le passeport, c'est ce qu'ils ont dit. Et donc, ils les obligent à venir voter. Je crois qu'ils sont 20 000 inscrits. On est 20 000 inscrits ici. Et c'est toute la région qui est... Voilà, ça ne concerne pas que Nantes, il y a Rennes, il y a Angers qui vient voter ici, il y a Vancenay, Vienne aussi. Et on n'a vraiment pas vu de véhicules des environs. Enfin, il n'y a pas eu. Ils ont ouvert 5 nouveaux postes ici en Loire-Atlantique, alors que les années précédentes, le vote il se faisait uniquement au niveau du consulat d'Algérie. Et à Rennes, je sais que nos collègues de Rennes, ils ont pu fermer un bureau de vote, mais dans la foulée, la préfecture a donné un autre bureau de vote pour l'Algérie. Donc voilà, donc il y a un bureau de vote qui est maintenu là-bas. Alors qu'ils avaient, ils ont fait comme à Lille, Aubry a fermé déjà les deux postes de vote, mais là malheureusement ils ont donné un autre. Donc c'est une trahison pour le peuple algérien. Monsieur, je ne sais pas, le responsable de Rennes, le maire ou je ne sais qui vous êtes, vous avez trahi les Algériens. Donc pensez que l'année prochaine il y aura des élections, voilà. Et on est quasiment, on a tous la nationalité, donc pensez à ça. Voilà, c'est du donnant-donnant. Ya Hnayan Touba, Ya Hnayan Touba, Ma Ranach Habsid. Le pouvoir algérien dit que les gens qui se mobilisent contre cette élection sont manipulés par la main étrangère. Oui, oui, on leur retourne le compliment. Hein. C'est voyous qui nous, la voyoucratie d'Alger qui est manipulée par l'étranger. Parce que même ici, on était quelques Algériens à faire ce sitting et ils nous ont ramené la police. D'ailleurs, tout de suite, les fourgons repartent, la police voit qu'on est pacifique. Mais c'est eux qui appellent des policiers qui rentrent au consulat d'Algérie, voilà. C'est du jamais vu au fait. Voilà, que normalement, non, je pense, hein, je ne connais pas vraiment la loi, voilà, mais je pense, à mon avis, que la police française, je ne pense pas qu'elle a le droit de rentrer dans le territoire algérien. Et là, les deux policiers, on les a bien filmés, voilà, ils sont rentrés, donc on a des preuves. Voilà. La main étrangère, c'est aussi quand Ben Salah, là, qui est soi-disant notre président maintenant, part voir Poutine se plaindre des Algériens qui sortent dans la rue. Il lui dit, il n'y a que quelques éléments. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça se passe chez nous, en Algérie. On lave notre linge sale en famille. Qu'est-ce que vient faire Poutine là-dedans? Donc, qui est-ce qu'il a appelé? Et auparavant, il a rappelé des ambassadeurs qui ont été voir un petit peu tout le monde ici à l'Occident et ailleurs pour se plaindre des Algériens qui veulent leur liberté. Vous voyez, la main étrangère, c'est pas du côté du peuple. On est toujours dans le magazine Libertaire sur Jet FM et on vient d'écouter des personnes rencontrées lors d'un rassemblement contre les élections en Algérie devant le consulat d'Algérie à Nantes. Depuis, les élections en Algérie, elles ont eu lieu avec un taux d'abstention historique. Le taux de participation a été de 41,41% en Algérie et de 8,69% pour les Algériens résidant à l'étranger. Et du coup, en Algérie, ça fait un taux de participation qui frise les 60%. Et c'est donc Abdelmadjid Tebboune qui a été élu au premier tour, qui a été entre guillemets élu hein, au premier tour. Il s'agit d'un fidèle de l'ancien président Bouteflika, qui a été haut fonctionnaire et qui a occupé plusieurs postes ministériels, dont celui de Premier ministre quelques mois en 2017. Une majorité d'Algériens et d'Algériennes contestent ces élections. Le mouvement continue donc en Algérie, notamment avec des manifestations massives. Hier, par exemple, ce sont les étudiants qui manifestaient à Alger au cri de « président illégal » et de « pouvoir assassin ». On rappelle que les personnes, du coup, le collectif des Algériens nantais continue les rassemblements à Nantes et que ces rassemblements ont lieu chaque dimanche à 14h et on essaiera de donner des nouvelles, du coup, de ce mouvement après les vacances. Je propose qu'on finisse par une pause musicale. On va écouter une chanson qui s'appelle « Pouvoir assassin » et si on écoute ça, parce que c'est une des chansons qui est chantée, en tout cas le refrain est chanté dans les manifestations en Algérie. Et c'est un des slogans ici aussi en France contre ces élections. ترويدي تنك شوية يكروه ورد الحارة طفينا اللاكو بدل شيري عرب نذلا شي يسكا ترويدي تنك شوية يكروه ورد الحارة طفينا اللاكو بدل شيري عرب نذلا شي يسكا امدكش من لي كناري ويداكي غسدو كولان هتسوقو غنواويكي ديما زيغان امدكش من لي كناري ويداكي غسدو كولان هتسوقو غنواويكي مازيغان يمديولي بينوشي باغي غادي نغبو مدير اسقاطا كيتغني سمكتي دمككل بوفوار اساسان بوفوار اساسان بوفوار اساسان اساسان اساسان بوفوار اساسان بوفوار اساسان بوفوار اساسان اساسان اساسان كرن ثمانيين متن فرض قام البومبا كرن ثمانيين نكور عدين نعيا عشرين كفرين ثمانيين فرض قدام البومبا كرن ثمانيين نكور عدين نعيا شكعنا غص الداويين وادعي السياس ميطرغا شحال ذي المصايب وين ار لومباس برواقية شكعنا غص الداويين ودعي سين ذا حسناوة اشحال ذي المصايب وين ارلون بس برواقية عذ من ولا تقشيشين امكوز ندقر غالا عذ من ولا تقشيشين امكوز ندقر ضالا بوفوار اصاصا بوفوار اصاصا بوفوار اصاصا اصاصا اصاصا بوفوار اصاصا بوفوار اصاصا بوفوار اصاصا اصاصا اصاصا يغلي تلخف تلوسواس السنمي دي صدواضو السنمي قغلي وسالس هاي بسخي الطيش ونفذو لحسن طلام لونكواس السنمي قفدا وسليلو اسمي تيلو للو الناس نورا قداري بردان هذا السين ظنم سهام فخن ولا بي بردان ذلا يسامي ثينغان نورا قداري بردان هذا السين ظنم سهام فقن ولادي قردان إذا لا يسامي ثينغان ما إلا ويكون دي السقسان إن تسدو لحلي تيشنان ما إلا ويكون دي السقسان الشاهد نبكي تيشنان بوفوار أصاصا بوفوار أصاصا بوفوار أصاصا أصاصا أصاصا بوفوار أصاصا بوفوار أصاصا بوفوار أصاصا أصاصا أصاصا ولا حرس الترويح تنموح فلاس يذكر الكرام يك غلينا شحال ضروح يصلح ناس دوالا حرس الترويح تنموح فلاس يذكر الكرام يك غلينا شحال ضروح لان الناس بسطه الحقارة دمور في القبايل جمعة في قشة ونوال أموما على الفسم سناسال والي ثالي ثالا وثال كلنا النوم ردل السولي ويثيم وثال بالنفس اللي ذا سفال فبشي تشايا بوكيمون يسعو كسنا في الباطل سمحتي وذيس اللون تنقض في القبايل بوفوار أصاصا بوفوار أصاصا بوفوار أصاصا أصاصا أصاصا بوفوار أصاصا بوفوار أصاصا بوفوار أصاصا أصاصا أصاصا غارة ما إلا وارا غادي سفهمن يسموني ضربة ستة سكعوي ونذبو الشانن فيلوزوفيا الروندا يغالي تصرفي قاسن الساعي من غيعيا يسمع شيق دين سلمن الطبيبي مخلالي مخل نغص شناسي حشكولان يمثوالا غدي سوريا يتصلى ذي بعثيان طبيبي مخلالي مخل نغص شناسي حشكولان يمثوالا غدي سوريا يتصلى ذي بعثيان باركات تربي بثارا فنوي تسكلي خم سغت الناس بفكا ألك شيني غتي تفتن بوفوار أصاصا بوفوار أصاصا بوفوار أصاصا أصاصا أصاصا بوفوار أصاصا بوفوار أصاصا بوفوار أصاصا أصاصا أصاصا بوفوار أصاصا بوفوار أصاصا بوفوار أصاصا أصاصا أصاصا بوفوار أصاصا بوفوار أصاصا بوفوار أصاصا أصاصا أصاصا بوفوار أصاصا بوفوار أصاصا بوفوار أصاصا أصاصا أصاصا بوفوار أصاصا بوفوار أصاصا بوفوار أصاصا أصاصا أصاصا بوفوار أصاصا pouvoir assassin, pouvoir assassin, assassin, assassin. Vous êtes toujours dans le magazine Libertaire sur JTFM et donc on va passer au billet foutraque. Aujourd'hui, je vais vous causer de l'eau. Depuis le temps qu'on nous disait que bientôt, il y en aurait de moins en moins et que ça déclencherait tensions et guerres de par le monde. Eh bien ça y est, on y est. En tout cas, il semblerait bien qu'on en ait dépassé les prémices. Il y a peu encore, on considérait assez unanimement que l'eau était une denrée vitale et que jamais il ne serait possible de l'échanger contre de l'argent, autrement que pour les coûts de son acheminement. Mais aujourd'hui, ce monde serait donc révolu ou en passe de l'être. Alors, faudrait pas non plus jouer au naïf. Ce qui est en train de se passer nous pendait au nez depuis un siècle et demi déjà. Et depuis, le capitalisme a essayé à maintes reprises de s'accaparer cette ressource, toujours en s'y cassant les dents. Il y eut par exemple la tentative de privatisation de l'eau dans les années 80 en Angleterre, avec comme conséquence, dans les années qui s'en suivirent, les premières coupures d'eau dans des milliers de foyers, avant qu'une loi ne finisse par interdire cette pratique une décennie plus tard. C'est ainsi, au Royaume-Uni, que le groupe financier australien Macquarie a fait main basse sur le réseau de distribution d'eau de Londres pendant l'ère Thatcher. Pendant 10 ans, ils ont usé de procédés fallacieux, tels que l'augmentation aussi soudaine que nébuleuse de factures des utilisateurs et utilisatrices de la capitale anglaise. Quand dans le même temps disparaissaient, comme par enchantement chaque année, 3 milliards d'euros du pactole que l'entreprise prélevait aux usagers. 3 milliards qui étaient en fait reversés en dividendes aux actionnaires de fonds d'investissement. On les appelle précisément fonds de capital investissement. Ils sont créés pour une période maximale de 10 ans, ce qui explique que leurs actionnaires se trouvent donc pressés de rentabiliser leurs investissements avant de devoir passer la main à de nouveaux propriétaires. Et pour atteindre cet objectif de profit, tous les procédés sont bons. Quand à la fin des 10 années, Macquarie est parti, comme le prévoyait le cadre légal, le groupe financier a laissé derrière lui une dette de plus de 50 milliards d'euros. Dette dont devront s'acquitter les citoyens de Londres durant les prochaines décennies, par la hausse du prix de leurs factures, évidemment. L'exemple catastrophique de la privatisation de l'eau au Royaume-Uni n'est pourtant pas un cas unique. Il intervient après un nombre d'échecs impressionnants et en précède d'autant plus. Il n'est en tout cas peut-être pas étonnant que ce soit un consortium australien qui soit à l'origine de cette escroquerie géante. En effet, l'Australie est confrontée depuis plusieurs années à des désastres climatiques cataclysmiques. L'extrémité des phénomènes météorologiques qu'a connu le pays ces dernières années, tant en intensité qu'en répétition, est sans précédent. L'Australie alterne en effet entre épisodes d'inondations engendrés par des pluies torrentielles et de longues et terribles sécheresses qui brûlent et asphyxient l'île. L'exemple de ses habitants ayant subi une sécheresse de 7 années consécutives, suivie de 37 jours de pluie diluvienne ininterrompue, concentrant la pluviométrie d'une année entière, a peut-être inspiré les investisseurs de chez Macquarie. En effet, s'il y en a, bien sûr, sur qui on peut compter pour se réjouir du malheur d'autrui, ce sont bien les capitalistes. C'est dans leur ADN, c'est comme ça. Et si l'on manque d'eau, c'est logiquement qu'elle est rare. Or, selon la formule magique, ce qui est rare est cher. Donc, l'eau doit devenir chère. Une logique d'autant plus implacable que ce marché devrait devenir de plus en plus porteur à l'avenir. Plus d'humains sur Terre pour moins d'eau potable, un jackpot assuré. Le fait que l'Australie soit déjà le continent le plus sec de la planète aurait pu déclencher une vague de solidarité, de par l'expérience de la pénurie et de grandes périodes de souffrance commune. Mais non, c'est le mécanisme inverse qui s'est produit. À savoir que, puisqu'il y avait là, manifestement, un besoin vital frustré, à cause d'une quantité trop irrégulière de marchandises pour la totalité de la population, il y avait donc du pognon à se faire, et sur une matière première qui ne coûte rien qui plus est, puisqu'elle tombe littéralement du ciel. Tout bénef au carré. Il suffisait juste de stocker l'eau et d'attendre patiemment un nouvel épisode de sécheresse. C'est ainsi qu'est né, il y a quelques années en Australie, le marché de l'eau. C'est même dans l'université australienne d'Adélaïde qu'ont été théorisés les préceptes de la spéculation aquatique. Quelques économistes ultralibéraux transformant le réchauffement climatique en une simple variable des marchés financiers. Et l'Australie en un laboratoire de la marchandisation de l'eau. Mais pour que l'on puisse acheter et vendre de l'eau tranquille peinard sur des places boursières, il fallait obligatoirement passer par l'étape désengagement de l'État. Un fruit trop mûr qui ne manquerait pas de tomber tôt ou tard. Face aux sécheresses de plus en plus fréquentes des dernières décennies, l'État australien, complètement dépassé qu'il était, a finalement décidé de se doter en 2004 d'un programme de gestion de l'eau. Programme qui devait bien évidemment être salvateur pour tous les Australiens. mais que l'on a finalement basé essentiellement sur des restrictions d'eau drastiques, sur une financiarisation des réserves aquatiques et sur l'implantation générale de consortiums privés dans l'économie australienne de l'eau. Consortiums parmi lesquels deux mastodontes déjà bien connus dans nos contrées pour leur anthropophagie humaine ainsi que leur boulimie pécuniaire, j'ai nommé les multinationales Suez et Veolia Environnement, mais dont nous reparlerons un peu plus tard. Depuis son instauration, le marché de l'eau oscille donc, comme à la bourse, au gré des variations de la loi de l'offre et de la demande, le prix de l'eau fluctuant ainsi du simple au double, parfois en l'espace de quelques semaines. Mais ce n'est pas la seule bonne nouvelle, oh que non. L'autre avantage de cette rétention d'eau par les groupes privés, c'est que les agriculteurs australiens, étranglés qu'ils sont dans cette nouvelle économie de marché, font faillite, les uns après les autres, faisant ainsi chuter les prix du marché des terres agricoles. Que s'empressent de récupérer des groupes d'investisseurs ou d'autres multinationales, souvent du secteur de l'agroalimentaire. Et cela pour une bouchée de poussière sèche. Eh, puisqu'on vous dit que l'autogestion et la solidarité c'est efficace. Solidarité des marchés, encore, avec les écologistes cette fois, puisqu'un pacte a été scellé entre les deux parties afin de sanctuariser certaines zones fluviales. Des zones abreuvant donc l'écosystème, mais échappant aussi de facto au marché, faisant ainsi monter encore un peu plus le prix de l'eau disponible. Pas de nuages à l'horizon, l'avenir semble être beau fixe pour les nouveaux seigneurs de l'eau. D'autant que si en Australie, depuis l'instauration du marché de l'eau, son prix a d'ores et déjà plus que doublé, les analystes prédisent qu'il devrait doubler de nouveau d'ici moins d'une dizaine d'années. Mais ne soyons pas trop jaloux des Australiens, c'est bientôt à notre tour. En effet, nous devrions bientôt pouvoir connaître l'état d'aridité de leurs terres, mais aussi la stratégie d'assoiffement de population réalisée de concert par leurs gouvernants et par les marchés. Cela fait maintenant plus de 10 ans. En fait, à la même période que la crise des subprimes, que les plus grandes banques mondiales ont commencé à s'intéresser de près au potentiel de rentabilité de l'eau dans les pays les plus développés. Oui, car évidemment, cela fait bien plus longtemps que les financiers spolient les populations des pays les plus pauvres et de leurs droits les plus élémentaires, accès à l'eau y compris. Pourtant, historiquement, c'est en France que débute réellement la privatisation de l'eau dans le courant du 19e siècle. La première concession d'eau est réalisée à Lyon en 1853. Un an plus tard, Nantes se lance aussi dans l'aventure en concédant la distribution de l'eau au sein de la ville pour une durée contractuelle de 60 ans à la CGE, la Compagnie Générale des Eaux. Un contrat finalement cassé avant son terme, en 1894, à cause de l'insalubrité chronique de l'eau, d'importantes fuites sur tout le réseau, de coûts rendus extrêmement prohibitifs et d'une énième épidémie de choléra. Une belle preuve de compétence en arnaque à la française, mais que l'on exportera ensuite à l'étranger, lorsque la Générale des Eaux prendra plus tard le nom de Veolia. Nous y revoilà. Pourtant, après différentes autres déconvenues, les dirigeants du monde entier resteront à peu près persuadés qu'il vaut mieux confier la gestion de l'eau aux services publics plutôt qu'à des capitaux privés, cherchant à faire fructifier leurs investissements au mépris de la salubrité générale. Alors, ça peut paraître logique, comme ça, de prime abord, mais en fait, pas tant que ça. Ou en tout cas, pas pour tout le monde. Parce que finalement, durant cette période bénie des années 80, qui consacra la moustache de Tom Selleck, l'œil de verre de Jean-Marie Le Pen et l'épine Cesso, tout pendant que Jean-Pierre François braillait qu'il nous survivrait, Reagan et Thatcher, eux, installaient durablement l'ultralibéralisme au pouvoir. Et bizarrement, ce fut pile poil à la même époque qu'on recommença à privatiser la gestion de l'eau. En Amérique latine d'abord, mais aussi au Royaume-Uni, puis très vite, un peu partout dans le monde, comme une traînée de poudre. Et c'est donc à ce moment-là que sont réapparus, avec leurs faux costumes de protecteurs des pauvres, mais leur vrai sourire de carnassier, les multinationales européennes spécialistes de l'eau, les françaises Veolia et Suez en tête. Mais après une décennie d'augmentation vertigineuse des tarifs, de scandales environnementaux, d'épidémies de choléra dans les pays les plus pauvres et d'émeutes populaires réprimées dans le sang, ces mêmes multinationales finirent par jeter l'éponge. Pas en raison de tout ça, hein, non, non. Mais bien plus à cause de l'effondrement des marchés financiers et des taux de change à la fin des années 90, qui condamnèrent définitivement leurs espoirs de profit. Dès lors, ces groupes financiers désertèrent la place, laissant comme d'habitude d'énormes dettes à la charge des contribuables. À force, on s'y habitue. On trouve ça même normal. Et puis, donc, ces multinationales ont décidé de revenir dans la danse aquatique un peu plus d'une décennie plus tard. Faut dire que le contexte avait entre-temps beaucoup changé. Désormais, le lobbying contre le réchauffement climatique ne faisait plus le poids. Et il fallait trouver de nouvelles liquidités pour remplacer le pétrole, toujours aussi rentable, mais quand même finissant. L'eau apparaissait comme la candidate idéale, d'autant que cette fois encore, les multinationales allaient pouvoir enfiler leur faux costume de bienfaitrice de l'humanité. Car désormais, le credo bancaire est quasi prophétique. L'eau doit devenir payante pour tous les usagers. Mieux encore, son coût doit leur plonger la tête sous l'eau afin qu'ils soient contraints de réduire leur consommation. Pour le salut de la planète, évidemment. Et puis, comme le dit très posément Willem Buiter, économiste en chef de la méga-banque américaine Citigroup, je cite, « Ce n'est pas parce que l'eau, c'est la vie, qu'elle ne doit pas avoir un prix. » Le tout, suivi d'un silence un peu gênant. Faut dire que ça vous donne un peu le niveau psychopathologique du type qui commande l'une des structures bancaires les plus puissantes au monde. Et alors lui, en bonus, il le dit avec un petit air glaçant, en essayant vainement de réfréner un sourire, la lèvre supérieure tremblotante, d'un plaisir malsain sous-entendant « Même ton cadavre, mon pote, il a un prix. » Avec, on pourrait faire des savons hypoallergéniques, du rembourrage pour les poupées, des vestes en cuir véritables, de la poudre aphrodisiaque pour les marchés asiatiques et le repas du jour de la cantine scolaire de mon gosse. Mais le pire, c'est qu'il n'est pas tout seul. Loin de là même. Lance Coogan, un autre cinglé en liberté du milieu de la finance, est même un récidiviste chevronné. On lui doit notamment les crédits carbone, ces permis de polluer que les multinationales peuvent acheter pour contourner les réglementations. Mais aussi, plus récemment, l'équation de l'eau, qui devrait bientôt donner l'opportunité aux investisseurs de transformer l'eau en produits financiers, achetables et vendables dans toutes les bourses du globe. Le prochain métier à forte rentabilité sera donc le banquier de l'eau. Ainsi serions-nous entrés dans une nouvelle ère du capitalisme, celle de la révolution de l'eau. Cette molécule inhérente à la vie et que l'on avait longtemps considérée comme universelle, et donc gratuite, et qui est sur le point de devenir un vulgaire produit spéculatif que les marchés rêvent de s'approprier définitivement. Et l'on s'indigne. Sans se rappeler qu'il y a longtemps qu'il en va de même pour le droit de se nourrir, de se loger, d'aller où on veut, de vivre dignement, tout simplement. Car oui, le capitalisme dévore la dignité de l'humanité. Et il la dévorera partout et jusqu'à la dernière miette, puisqu'il est dit que tout a un prix. Et de fait, négociable et commerçable. N'oublions pas non plus que les droits de l'homme, ça n'existe pas. Qu'il s'agit d'un concept et d'un grand mythe dont l'évocation mentale est certes partagée par des centaines de millions, voire des milliards d'êtres humains. Mais il ne suffira jamais de les brandir pour se protéger de ceux qui voudront nous arracher nos idéaux et nos vies. Pour se défendre, il faudra attaquer. Attaquer le capitalisme, qui n'est rien d'autre, lui non plus qu'un mythe. Mais un mythe qui tue, et qui doit donc à ce titre être tué, quel qu'en soit le prix. Car à choisir ces mythes, je préfère celui qui prône que lorsqu'un gouvernement viole les droits d'un peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Alors, si à tout hasard en ce moment, vous vous sentez concerné par cette maxime, franchement, n'hésitez pas. Toujours pas connu l'histoire, à part celle que je construis. Toujours pas connu l'espoir, à part celui que je confie sous ma plume. Aussi lumineux qu'un phare dans la brume. Et si le vent se meut, je m'acharne sur la vague pour en ramasser l'écume. Reste le conchi, c'est souvent cette vision du monde qui m'a mené au conflit. Ouais, le nivelle m'en parle pas. Ne sert qu'à boucher le conduit, prendre les pauvres pour des cons et n'offrir comme respect que soupe populaire et flonflon les jours de fête. Alors à chaque fois que je mate ce drame se jouer, je coupe ta défaite. Et moi comme elle, toujours pas résolu à attendre la clémence du ciel, même si leurs promesses ne mènent que sur leur highway to hell. Ici c'est my way, pas la leur. Le long des chemins de garde, des tourelles, leur route dorée tracée pour moi et manque de bol. Passer par Dora en échappant aux sentinelles. Ouais, le passé amène une histoire dont on hérite. Et si le présent est blême, c'est par les dirigeants et la vie qu'on mérite. Sûr que le futur ne vous irrite. Peu d'espoir pour qu'il change, vu si faussement on y cogite. Ouais, le passé amène une histoire dont on hérite. Et si le présent est blême, c'est par les dirigeants et la vie qu'on mérite. Sûr que le futur ne vous irrite. Peu d'espoir pour qu'il change, vu si faussement on y cogite. Alors on phrase encore sur des désespoirs de conscience. Comme s'il peut s'embrasser encore sur nos fractures d'ignorance. Et on s'y complaît encore. On y maudit les fonds du Nord pour que nos vies persistent à tort. Misère de vie, veine et assurée pour le défi. Mais même si elle n'est que défaite, je m'y remets chaque instant et goûte le sang du poète. Goûte ce qui reste de Niall avant que son essence décède. C'est de la survie, c'est un goût, une odeur, une hallucination, une folie, une chaleur, un début d'addiction. Ce qui te fait sortir des gravats, ce qui te fait revoir le soleil. Accomplir un exploit, c'est ne pas en sortir pareil. Écouter des litanies flirtant entre le blabla et le brême. Y'a ce qui vient, y'a ce qui part, et y'a ce qui reste aussi. Alors qu'ils sachent que sous leur nez on blafard. Et si la lutte pensait vite, tant que ce qui doit l'être est transmis. Vous voyez tout en noir, décidément. Je vois qu'il y a beaucoup de misère qui s'empressent de s'accaparer pour justifier le mal qu'ils ont l'intention de faire. Ouais, le passé amène une histoire dont on hérite. Et si le présent est blême, c'est par les dirigeants et la vie qu'on mérite. Sûr que le futur nous irrite. Peu d'espoir pour qu'il change, vu que si faussement on y cogite. Ouais, le passé amène une histoire dont on hérite. Et si le présent est blême, c'est par les dirigeants et la vie qu'on mérite. Sûr que le futur nous irrite. Peu d'espoir pour qu'il change, vu que si faussement on y cogite. Sûr que le futur nous irrite. Sûr que le futur nous irrite. Sûr que le futur nous irrite. Sûr que le futur nous irrite. Même si cette merde s'atténue, pour qu'il reste quelque chose. Verra-t-on plus loin que ce qu'on insinue, passer à autre chose. Il restera sans doute des putains, des viols et des femmes tondues par les plus brutaux leurs causes. Des nazillons, des colons, avec leur torture, leur camp. Tous prêts à gonfler leurs galons et rendre leur haine plus éloquente. Et dans l'éphémère de notre passage estant, perdu dans l'attente, est-ce qu'on réfléchit par moments ou fatigué, on s'arrête tous au pied de la pente, oscillant inconsciemment, en crever d'ennui ou se pendre. Sûr que le futur nous irrite, vu qu'au final il est sans sens. Dénaturé, dénué, voire dénudé de manière obscène. Laisse-t'es puis jeter au fond de la scène. À trop vouloir le jouer, il sera pire ce que t'es convenu, fermera les scènes. Pas de chance de transformer l'essai si par instinct protecteur et morbide on s'enchaîne. Ouais, le passé amène une histoire dont on hérite. Et si le présent est blême, c'est par les dirigeants et la vie qu'on mérite. Sûr que le futur nous irrite. Peu d'espoir pour qu'il change, vu que si faussement on y cogite. Ouais, le passé amène une histoire dont on hérite. Et si le présent est blême, c'est par les dirigeants et la vie qu'on mérite. Sûr que le futur nous irrite. Peu d'espoir pour qu'il change, vu que si faussement on y cogite. Sûr que le futur nous irrite. Sûr que le futur nous irrite. Sûr que le futur nous irrite. Sûr que le futur nous irrite. Vous êtes toujours dans l'émission du magazine Libertaire sur JTFM. C'est l'heure des annonces. Eh bien, moi, je vais commencer par vous parler des garderies populaires qui sont reconduites. Le gouvernement ne lâche rien, et ben nous non plus. Donc, la semaine de grève du 16 au 21 décembre, les garderies populaires sont reconduites le jour d'appel à la grève générale nationale. Donc, alors, c'était hier, mais aussi pour les manifestations hebdomadaires Gilets jaunes le samedi 21 décembre de 13h à 18h. Et ouvert également, donc mercredi 18, aujourd'hui jeudi 19, vendredi 20. Contactez-nous pour les horaires. Venez chacun de ces matins entre 8h et 11h boire un café aussi pour nous retrouver avant de partir affronter le ville Macron. Réunion le samedi 21 à 10h pour découvrir, s'investir, agir autour des garderies populaires. N'hésitez surtout pas à nous contacter si les horaires ne vous conviennent pas. N'hésitez pas non plus à venir discuter tout au long des garderies. Donc l'accueil se fait au 102 rue Saint-Jacques à Nantes. L'entrée se fait par le garage. Et donc le mail, ça sera garderie au pluriel, populaire au pluriel, paysnantais@rise.net. Un numéro de téléphone, c'est 07 53 34 48 24. Et il conclut leur appel par « Vive la grève, vive la lutte des femmes, vive le contre-pouvoir populaire ». Alors, j'ai une annonce pour vendredi, donc à 13h. Ça nous vient du collectif contre le surf park dont nous avons parlé la semaine dernière. Du coup, c'est vendredi à 13h à Machecoul, à la maison de l'intercommunalité, zone artisanale de Seiglerie, rue Galilée, donc la route de Chaland. C'est un appel à diffuser largement. Soyons nombreux et nombreuses ce jour-là. Exigeons l'arrêt du projet, parce que le projet du surf park pourrait être définitivement annulé lors d'un vote le 20 décembre, un vote des maires du Pays de Ré, qui est un vote essentiel pour la poursuite du projet. Alors, c'est donc, comme je l'ai dit, c'est un appel commun avec le collectif nantais contre le surf park et contre le surf park de Saint-Père-en-Ré. Nous comptons sur votre mobilisation et voilà, donc c'est, je l'ai dit, ça se passe à Machecoul. Donc vous pouvez avoir plus d'informations sur terre au pluriel -commune.zici.fr. Alors moi je vais faire un petit retour en arrière et on va revenir à aujourd'hui. Je vais vous lire la lettre d'un collectif là qui cause la journée internationale des migrants-migrantes. Alors, nous, collectif de sans-papiers et migrants-migrantes, syndicats, associations, collectifs de solidarité, états généraux des migrations, marche des solidarités, appelons à des manifestations et rassemblements le 18 décembre, journée internationale des migrants-migrantes. Nous marcherons toutes et tous ensemble pour affirmer avec encore plus de vigueur, égaux, égales, personne n'est illégal. Nous marcherons pour la ratification par la France de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles, adoptée par l'ONU le 18 décembre 1990, et qui vise à garantir l'égalité de traitement entre travailleurs et travailleuses françaises, français et immigrés. Nous marcherons pour stopper la montée des nationalismes, le développement du fascisme et de toutes les formes de racisme. Nous marcherons en mémoire des dizaines de milliers de femmes, d'enfants et d'hommes morts et mortes sur les routes de la migration, victimes des frontières et des politiques meurtrières de gouvernements de pays les plus riches de la planète et de leurs complices. Nous marcherons pour la liberté de circulation, pour la fin du système de Dublin, l'abandon de la directive retour et de la fermeture des centres de rétention. Nous marcherons contre l'idée fausse que l'immigration crée du dumping social, pour la régularisation des sans-papiers et pour l'égalité des droits de toutes et tous. Nous marcherons pour soutenir et amplifier les grèves et lutte des sans-papiers pour obtenir leur régularisation et la justice sociale. À l'heure où le gouvernement annonce des mesures sans précédent, immigration choisie, privation pour les demandeurs d'asile d'accès à la protection maladie pendant les 3 premiers mois après le dépôt de leur demande, durcissement des conditions d'accès à l'aide médicale d'État, AME, nous marcherons pour affirmer que l'égalité ne se discute pas, elle doit être mise en œuvre maintenant. C'est la précarisation générale et la remise en cause des acquis sociaux par les politiques répressives et d'austérité menées par le gouvernement successif, spécialement celui d'Emmanuel Macron, qui exacerbe les discours de haine, accroissent la pauvreté et le repli sur soi dans la population. C'est en luttant ensemble que nous pourrons nous battre efficacement pour une société meilleure, solidaire et égalitaire. Alors, je vais vous lire une autre chose qui se passe aujourd'hui. C'est donc un rendez-vous ce mercredi en Amphi 5 de Sanzif pour la dernière Assemblée Générale de 2019. L'année se termine, mais la lutte continue. Discutons de la façon dont nous abordons les semaines à venir, dans les semaines à venir, les actions que nous entreprenons. Et du reste, en fait. Donc ça se passe. Aujourd'hui, c'est à partir de midi, et c'est chemin de la Sensible du Tertre. Alors, j'ai une annonce. C'est pour vendredi. Alors, vendredi 20 décembre à 18h, au square Elisa Mercœur, il y a un rassemblement et distribution de tracts. C'est la journée internationale contre les violences faites aux travailleuses du sexe. Pour marquer notre présence et notre soutien, amenons nos parapluies. Le problème, ce n'est pas le travail du sexe, c'est le capitalisme, c'est le sexisme, c'est le patriarcat, c'est le racisme. Donc 5 000, 10 000, 15 000 personnes. Personne ne sait exactement combien de personnes exercent aujourd'hui le travail du sexe en France. On ne connaît qu'un nombre approximatif, celui des personnes contrôlées et réprimées par la police. Le gouvernement les présente toutes comme des victimes de la traite et des réseaux de proxénètes. Il dit œuvrer pour les protéger, notamment avec la loi de pénalisation des clients. Protéger, vraiment? S'il voulait protéger, il donnerait des papiers aux migrants, migrantes et exilés qui exercent le travail du sexe et qu'elles aient un minimum de droits, accès aux soins et à d'autres professions, pour qu'ils et elles arrêtent de subir les comportements racistes et sexistes, les humiliations répétées des administrations, les pressions physiques, sexuelles et économiques de la police dans l'impunité absolue, les violences et chantages des clients. Il mettrait fin aux politiques capitalistes et colonialistes, en grande partie source de la misère, de la corruption, du pillage des ressources, des catastrophes climatiques, des déplacements massifs de population. Il enverrait un message clair de soutien aux personnes LGBTQI+, pour que toutes les personnes qui se retrouvent à exercer le travail du sexe parce qu'elles sont rejetées, licenciées, exclues, agressées, marginalisées à cause de leur identité, cessent de se faire violenter, violer, assassiner. Il ne s'acharnerait pas à précariser les femmes, cumulant les contraintes, les peines, entre guillemets, si en plus elles sont racisées, mères isolées ou porteuses d'un handicap, étudiantes, retraitées ou venant des banlieues. Il mettrait de réelles mesures en place pour que les violences faites aux femmes cessent, pour que le sexisme cesse d'être une opinion, pour que nous puissions toutes disposer de notre corps et choisir si, avec qui et comment nous souhaitons en user, dans un cadre consenti, tarifé ou non. Travailleuse du sexe est une frangine qui galère à payer ses études et son loyer. Une mère dont les enfants sont restés au pays parce que la traversée était trop dangereuse. Un frère qui s'est fait jeter de chez lui par un père homophobe. Ou une cousine qui préfère travailler 10 heures par semaine en choisissant ses horaires que 45 heures dans la restauration. Ou de toute façon, elle se ferait toucher le cul en permanence et gratuitement en plus. Il paraît que c'est un moment de bouleversement. Qu'on parle de justice sociale, convergence des luttes et solidarité. Alors, n'oublions personne. La révolution sera féministe, antiraciste, décoloniale, anticapitaliste ou n'aura aucun intérêt. Alors moi, je vais vous emmener du côté de Saint-Nazaire. On dit les amis de May ou les amis de May ? Moi, je dis May. Ok, alors allons pour les amis de May. M-A-Y. Oui. Qui propose un nonoyel, donc une fête du solstice des lutins lutines révolutionnaires. Donc ça se passe vendredi à 18h au local autogéré Fernand Peloutier, 25 boulevard de la Renaissance à Saint-Nazaire. C'est le nonoyel aux amis de May contre l'orgie rituelle, festivités, cuisine maison, concerto de tapage, chant de nonoyel, magie rouge et noire, jeux étranges, boissons surprises. Pour en finir avec le Père Noël, un patron de plus exploitant des lutins-lutines dans ses usines à cadeaux pourraves, un chantre de la surconsommation polluante, un lobbyiste du capitalisme et de l'endoctrinement marchand dès l'enfance. Pour autant, on a bien envie de se retrouver ensemble dans une ambiance festive et décalée. Aussi, on propose de faire un no-noyel des glingos. On vous réserve quelques surprises, mais pour être dans le jeu, il faudrait être habillé spécialement, tenue correcte, fortement déconseillée. Et ils terminent leurs petites invitations par autogestion, grève générale. Alors, j'ai une dernière annonce. Ça se passe samedi 21 décembre à 16h à Saint-Nazaire. Donc, ça nous vient des Guerrières de l'Ouest qui organisent un fémage donc, aux victimes de féminicides. Ça se passe devant le rassemblement. Donc, sera au tribunal d'instance de Saint-Nazaire, 54 rue de la Paix et des Arts, samedi donc à 16h. Et elles disent qu'au 14 décembre, donc il y a 145 féminicides. Nous avons le sang de 145 femmes sur les mains. 145 féminicides par conjoint ou ex-conjoint, perpétrés dans l'indifférence totale du gouvernement. Donc vous pouvez retrouver cet appel à rassemblement sur le Facebook des Guerrières de l'Ouest. Et moi, je voulais faire un retour sur les prochains rendez-vous en ce qui concerne le mouvement contre la réforme des retraites. Il y a actuellement un rassemblement devant le commissariat Valdec-Rousseau à Nantes pour soutenir les 11 personnes qui ont été interpellées à la manif d'hier. Donc il y a 11 personnes qui ont été interpellées hier le 17 décembre. Une manif qui, je le rappelle, a rassemblé au moins 30 000 personnes à Nantes. Du coup, ce serait dommage de laisser les personnes qui se sont fait choper à cette manif, hein, qui se sont fait interpeller par par la police, de les laisser seules face à ça. Vous êtes appelés à aller rejoindre le rassemblement devant Valdec-Rousseau. À midi, donc, comme on le disait tout à l'heure, il y a la dernière AG de l'année à la fac. C'est encore en cours, c'est au campus Lettres, donc il y a moyen d'y aller aussi. Il y a un atelier sérigraphie aussi à 14h au QG des Luttes, 6 boulevard de la Prairie au Duc, toujours à Nantes. Et au même endroit, ce soir à 19h, il y a une assemblée générale. Demain, jeudi 19, il y a l'assemblée ouverte des cheminots à Gare Nord. Ça a l'air d'être tous les jours, cette assemblée. Du coup, vous pouvez aussi y aller. À 10h30, il y a une manif à l'appel de l'intersyndicale 44. Le rendez-vous, il est à 10h30 au parking des Bords de l'Erdre, Gare Sud, pour un rassemblement. Et ensuite, un départ en manif. Et à Saint-Nazaire, cette fois, à 10h, il y a un rassemblement aussi à l'appel de l'intersyndicale 44. Et c'est à l'alvéole 12 de la base sous-marine.